Sur le livre des amours de Pierre de Ronsard. Jadis, plus d'un amant, au jardin de Bourgueil, a gravé plus d'un nom dans l'écorce qui l'ouvre, et plus d'un cœur, sous l'or des hauts plafonds du Louvre, à l'éclair d'un sourire, a tressailli d'orgueil. Qu'importe, rien n'a dit leur ivresse ou leur deuil. Ils gisent tout entiers entre quatre ais de rouvre, et nul n'a disputé, sous l'herbe qui les couvre, leur inerte poussière à l'oubli du cercueil. Tout meurt. Marie, Hélène, et toi, fière Cassandre, vos beaux corps ne seraient qu'une insensible cendre. Les roses et les lys n'ont pas de lendemain. Si Ronsard, sur la Seine ou sur la blonde Loire, n'eût tressé pour vos fronts d'une immortelle main, au myrte de l'amour, le laurier de la gloire.